Pour stationner dans cette rue, je peux utiliser le disque numéro 1 ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Le disque numéro 2 ? Oui, réponse C. Non, réponse D.